Doctrine d'Averroès. Immortalité collective, résurrection. L'extrême précision avec laquelle le péripatétisme avait séparé les deux éléments de l'entendement, l'élément relatif et l'élément absolu, devait l'amener à scinder la personnalité humaine dans la question de l'immortalité. Malgré les efforts de l'aristotélisme orthodoxe pour prêter au maître une doctrine aussi conforme que possible aux idées chrétiennes, l'opinion du philosophe à cet égard ne saurait être douteuse. L'intellect universel est incorruptible et séparable du corps, l'intellect individuel est périssable et fini avec le corps. Tous les Arabes ont compris de la sorte la pensée d'Aristote. L'intellect actif est seul immortel. Or l'intellect actif n'est autre chose que la raison commune de l'humanité. L'humanité seule est donc éternelle. La providence divine, dit le commentateur, a accordé à l'être périssable la force de se reproduire, pour le consoler et lui donner à défaut d'autres cette espèce d'immortalité. Parfois, il est vrai, l'opinion d'Ibn Rushd peut s'entendre en ce sens que les facultés inférieures, sensibilité, mémoire, amour, haine, n'ont pas d'exercice dans l'autre vie, tandis que les facultés supérieures, la raison, survivent seules à la dissolution du corps. C'est à peu près l'interprétation qu'Albert et saint Thomas donnaient aux sentiments d'Aristote. Mais la doctrine constante des philosophes arabes, qu'Ibn Rushd en général est loin d'adoucir, doit servir à compléter sa pensée sur ce point, qu'il n'a jamais, il faut l'avouer, traité expressément. Or la négation de l'immortalité et de la résurrection, la doctrine que l'homme ne doit attendre d'autres récompenses que celles qu'il trouve ici-bas dans sa propre perfection, constituait le reproche principal que les élateurs de l'orthodoxie, Ghazali et les Motokelmins, opposaient aux philosophes. Je ne puis expliquer que par une contradiction manifeste certains passages de la destruction de la destruction, où, pour ne pas compromettre la philosophie devant ses adversaires, Ibn Rushd semble admettre l'immortalité. Dans le dialogue intitulé Eudemus, Aristote suivait de même l'opinion vulgaire sur l'immortalité. J'ai déjà fait observer que ce n'est pas dans ce livre qu'il faut chercher la véritable pensée d'Ibn Rushd. L'âme est parfois présentée comme absolument indépendante du corps. La vue du vieillard est faible, non parce que sa faculté visuelle est affaiblie, mais parce que l'œil, qui lui sert d'instrument, est affaibli. Si le vieillard avait les yeux du jeune homme, il verrait aussi bien que le jeune homme. Le sommeil d'ailleurs fournit une preuve évidente de la permanence du substratum de l'âme, car toutes les opérations de l'âme et tous les organes qui servent d'instrument à ces opérations, sont comme anéantis durant ce temps. Et pourtant l'âme ne cesse pas d'être. Ainsi le savant arrive à partager les croyances du vulgaire sur l'immortalité. L'intellect d'ailleurs n'est attaché à aucun organe particulier, tandis que les sens sont localisés, et peuvent être affectés dans les différentes parties du corps de sensations contradictoires. À n'envisager que ce passage isolément, on serait tenté d'attribuer à Ibn Rushd sur l'immortalité des sentiments orthodoxes que la page suivante dément. Il y soutient plus nettement que jamais que l'âme ne se divise pas selon le nombre des individus, qu'elle est une dans Socrate et dans Platon, que l'intellect n'a aucune individualité, que l'individuation ne vient que de la sensibilité. Ce n'est pas toutefois sans quelques raisons que plusieurs Averroïstes de la Renaissance, Niphus par exemple, invoquèrent la théorie de l'unité de l'intellect contre les négations absolues de Pomponat. Averroès lui-même avait cherché par ce tour à conserver un simulacre d'immortalité. Si l'âme était déterminée et individualisée dans l'individu, elle se corromprait avec lui comme l'aimant avec le fer. La distinction des individus vient de la matière, la forme au contraire est commune à plusieurs. Or ce qui fait la permanence, c'est la forme et non la matière. La forme donne le nom aux choses, une hache sans tranchant n'est plus une hache, mais du fer. C'est seulement par abus qu'un corps mort peut s'appeler homme. Donc, en tant que pluralité, l'individu disparaît, mais en tant que représentant un type, c'est-à-dire en tant qu'appartenant à une espèce, il est immortel. L'âme individuelle d'ailleurs ne perçoit rien sans l'imagination. De même que le sens n'est affecté qu'en présence de l'objet, de même l'âme ne pense que devant l'image, d'où il suit que la pensée individuelle n'est pas éternelle, car si elle l'était, les images le seraient aussi. Incorruptible en lui-même, l'intellect devient corruptible par les conditions de son exercice. Quant au mythe populaire sur l'autre vie, Ibn Rushd ne cache pas l'aversion qu'il lui inspire. Parmi les fictions dangereuses, dit-il, il faut compter celles qui tendent à ne faire envisager la vertu que comme un moyen d'arriver au bonheur. Dès lors, la vertu n'est plus rien, puisqu'on ne s'abstient de la volupté que dans l'espoir d'en être dédommagé avec usure. Le brave n'ira chercher la mort que pour éviter un plus grand mal. Le juste ne respectera le bien d'autrui que pour acquérir le double. Ailleurs, il blâme énergiquement Platon d'avoir cherché à représenter à l'imagination, par le mythe de l'Arménien, l'état des âmes dans l'autre vie. Ces fables, dit-il, ne servent qu'à fausser l'esprit du peuple et surtout des enfants, sans avoir aucun avantage réel pour les améliorer. Je connais des hommes parfaitement moraux qui rejettent toutes ces fictions, et ne le cèdent point en vertu à ceux qui les admettent. L'opposition d'Ibn Rushd au dogme de la résurrection tient de même à son antipathie pour les imaginations trop précises que l'on cherche à se faire sur l'autre vie. Les difficultés contre une telle façon d'entendre la survivance de l'être moral n'étaient pas nouvelles. Déjà, les Sadducéens et les libres penseurs, que le Talmud appelle épicuriens, avait professé à cet égard une franche incrédulité. Il faut voir dans la première épître aux Corinthiens l'argumentation subtile et originale que saint Paul leur oppose. Dans le Coran apparaît, à chaque page, la préoccupation des difficultés soulevées par ce dogme et des objections qu'il rencontrait. La même inquiétude se trahit dans toute la théologie musulmane par le nombre de traités de controverses que le sujet provoqua, le degré de vivacité de l'apologétique, en effet, peut toujours servir à mesurer l'effort que fait l'esprit humain, sous la pression d'un dogme, pour y échapper. Quant aux philosophes arabes, tous sans exception rejetaient la résurrection comme une fable. C'est un des principaux reproches que leur adresse Ghazali. La position équivoque où se trouvait Ibn Rushd en face de cet adversaire, lui inspira quelques-uns déménagements que s'imposent souvent ceux qui défendent la liberté de la pensée contre les orthodoxes. Les premiers, dit-il, qui ont parlé de la résurrection sont les prophètes d'Israël après Moïse, puis l'évangile des chrétiens, puis les Sabiens, dont la religion, au dire d'Ibn Hazm, est la plus ancienne du monde. Le motif qui porta tant de fondateurs de religion à établir ce dogme, sur l'efficacité qu'ils supposèrent à cette croyance pour moraliser les hommes, et les exciter à la vertu, par la considération de leur propre intérêt. Je ne reproche pas à Ghazali et au mot de Calmin de dire que l'âme est immortelle, mais de prétendre que l'âme n'est qu'un accident, et que l'homme reprendra le même corps qui est tombé en pourriture. Non, il en reprendra un autre semblable au premier, car ce qui a été une fois corrompu ne peut revenir à la vie. Ces deux corps ne font qu'un, envisagés quant à l'espèce, mais ils sont deux quant au nombre. Aristote l'a dit dans les dernières lignes de la génération et de la corruption, l'être corruptible ne peut jamais redevenir identique à lui-même, mais il peut revenir à la variété spécifique dont il faisait partie. Quand l'air sort de l'eau et que l'eau sort de l'air, chacune de ces substances ne revient pas à l'individu dont elle était d'abord, mais à l'espèce dont elle était d'abord. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.